temps chercher un petit coin d'éternité. J'ai longtemps bourlingué pour pouvoir enfin me reposer. Existe-t-il un endroit où je pourrais sans crainte m'assouplir? Existe-t-il un lieu sain où je pourrais sans crainte dormir? M'approcher du soleil pour trouver enfin la chaleur, toucher du doigt un arc-en-ciel, me baigner dans sa lumière. Existe-t-il un endroit où je pourrais sans crainte m'assouplir? Existe-t-il un lieu sain où je pourrais sans crainte vieillir? Existe-t-il un lieu seul où je pourrais